Vous écoutez France Culture. Short stories and poems. Nouvelles et poèmes. By Raymond Carver. De Raymond Carver. Intimité. Une affaire m'appelle dans l'ouest. Et comme le patelin où habite mon ex-femme est sur ma route, je décide de faire un saut chez elle. Nous ne nous sommes pas vus depuis 4 ans. De temps à autre, quand un journal ou une revue publie un texte de moi ou un texte sur moi, portrait ou interview, je lui en envoyais un exemplaire. Je ne sais pas ce qui m'incitait à lui envoyer ça, hormis l'idée qu'elle y trouverait peut-être de l'intérêt. Mais en tout cas, elle ne m'a jamais répondu. Il est 9h du matin et je n'ai pas téléphoné. Comment va-t-elle me recevoir? Je n'en sais rien. Mais elle me fait entrer. Elle n'a pas l'air surpris. On ne s'embrasse pas. On n'échange même pas une poignée de main. Elle me conduit dans la salle de séjour, me fait asseoir et me sert un café. Ensuite, elle me déballe ce qu'elle a sur le cœur. Elle dit qu'elle a souffert à cause de moi, que par ma faute elle s'est sentie exposée et humiliée. Je me retrouve en terrain familier. Elle dit « Oh, bien sûr, la trahison, ça te connaît. Tu as toujours été à l'aise avec. » Non, dit-elle, ce n'est pas vrai. Au début, tu n'étais pas comme ça. Au début, tu étais différent. Mais moi aussi, je devais l'être. Tout était différent, alors. Non, c'est seulement du jour où tu as eu 35 ans, ou 36, enfin tu vois, dans ces eaux-là, que tu t'y es vraiment mis. Mais alors, tu n'y as pas été avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah, tu m'as bien arrangé, tiens, tu dois être fier de toi. Elle dit, des fois j'ai envie de hurler. Elle me dit que quand je parle de cette époque, il faudrait que j'oublie un peu les coups durs et les épreuves. Étends-toi un peu sur les bons moments, dit-elle. Des bons moments, on en a eu aussi, non? Elle voudrait bien que je cesse de rabâcher tout le temps la même histoire. Ça devient fastidieux à la fin. Elle en a marre de l'entendre. C'est ta marotte, dit-elle. Ton cheval de bataille. Ce qui est fait, est fait. Il a coulé de l'eau sous les ponts, dit-elle. C'était une tragédie, d'accord, une terrible tragédie. Mais pourquoi s'apesantir dessus? Tu n'en auras donc jamais assez de remâcher ces vieilles rancœurs? Elle dit, mais tourne enfin la page, bon Dieu. Oublie ces vieilles plaies. Tu dois bien avoir d'autres cordes à ton arc, dit-elle. Elle dit, tu veux que je te dise? À mon avis, tu es sonné, complètement ravagé. Tu ne crois quand même pas ce que les journaux racontent à ton sujet? Tout ça, c'est des calembres d'haine, dit-elle. Moi, j'aurais des choses à leur dire. Qu'ils viennent donc me voir, ils en apprendront de belles. Elle dit, oh, tu m'écoutes? Je t'écoute, lui dis-je. Je suis tout ouïe, dis-je. Elle dit, j'en ai ma claque de tout ça, tu m'entends? Et d'abord, qui t'a demandé de venir me voir, hein? Je t'ai sifflé, moi? Monsieur débarque, la gueule enfarinée. Mais qu'est-ce que tu me veux, bon Dieu? Du sang? Tu veux encore du sang? Tu devrais être repu, depuis le temps. Elle dit, tu n'as qu'à faire comme si j'étais morte. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on me fiche la paix. Oui, désormais, je n'aspire plus qu'à la paix et à l'oubli. J'ai 45 ans, moi, dit-elle, et j'ai l'impression d'en avoir 55 ou 65. Lâche-moi un peu, tu veux? Elle dit, tu ne crois pas qu'il serait temps de passer l'éponge une bonne fois, d'effacer tout et de prendre un nouveau départ? Sait-on jamais, tu iras peut-être loin, dit-elle. Elle trouve ça drôle, alors elle rit. Je ris aussi, mais moi, c'est les nerfs. Elle dit, tu sais quoi? Moi aussi, j'ai eu ma chance un jour, mais je n'ai pas su en profiter. J'ai eu ma chance et je l'ai laissé filer. Je te l'avais jamais dit, hein? Et regarde-moi à présent, regarde! Ah, tu as fait du beau travail. Tu as fait de moi une loque, espèce de salaud. Elle dit, en ce temps-là, j'étais plus jeune et j'étais quelqu'un de mieux. Toi aussi, sans doute. Oui, tu étais forcément quelqu'un de mieux aussi, sans quoi je n'aurais jamais voulu avoir affaire à toi. Elle dit, je t'ai tellement aimé jadis. Je t'aimais éperdument. C'est vrai, je t'aimais plus que tout au monde. Tu t'en rends compte? Quelle dérision! Non, mais tu t'imagines? Nous étions comme les doigts de la main. On vivait dans une intimité si grande qu'aujourd'hui, j'ai peine à y croire. Je crois que c'est encore ça le plus étrange. Ce souvenir d'avoir vécu dans une intimité pareille avec quelqu'un, rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Je ne peux pas imaginer que je revivrais ça avec quelqu'un d'autre. Ça ne m'est jamais arrivé depuis. Elle dit, vraiment, écoute. Et là, je suis sérieuse. Je veux que tu me laisses en dehors de tout ça, dorénavant. Et d'abord, pour qui tu te prends, hein? Tu te prends pour Dieu le Père? Dieu le Père, tu n'es même pas digne de lui lécher les bottes. Tu n'es digne de lécher les bottes de personne. Mon pauvre vieux, tu as de drôles de fréquentations. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne sais plus grand-chose du monde, c'est vrai. Tout ce que je sais, c'est que je n'aime pas les saletés que tu débites. Ça, au moins, j'en suis sûr. Tu vois de quoi je parle, non? Ai-je tort? Non, dis-je, tu as raison. 100 fois raison. Elle dit, tu ne veux pas me contredire, hein? Tu cèdes trop facilement, tu as toujours été comme ça, tu n'as pas le moindre principe. Dès qu'un conflit pointe à l'horizon, tu te défiles. Mais bon, fermons la parenthèse. Elle dit, tu te rappelles la fois où je t'ai menacé d'un couteau? Elle dit cela, comme ça, en passant, comme si c'était dépourvu d'importance. Très vaguement, dis-je, je l'avais cherché sûrement, mais je ne m'en souviens plus trop bien. Mais vas-y, raconte, pourquoi pas. Elle dit, ah, je commence à comprendre. Je sais ce qui t'a fait venir, je crois. Oui, je le sais, même si tu l'ignores toi-même. Mais non, ce n'est qu'un masque. Tu sais pourquoi tu es venu? Tu es venu te réapprovisionner, c'est ça? Tu es venu chercher de la matière. Alors j'ai mis le doigt dessus, hein? C'est bien ça? Raconte-moi l'histoire du couteau, dis-je. Elle dit, ce couteau, je regrette vraiment de ne pas m'en être servi, tu sais. C'est vrai, je le regrette de tout mon cœur. J'y ai repensé bien des fois, et je l'ai toujours regretté. J'aurais pu, mais j'ai hésité. Mon hésitation m'a perdu, comme disait je ne sais plus qui. Mais j'aurais dû m'en servir. J'aurais dû me foutre du tiers comme du quart et m'en servir, si au moins je ne t'avais fait ne serait-ce qu'une estafilade. Mais non, même pas. Bon, eh bien, tu ne l'as pas fait, dis-je. J'ai cru que tu allais me poignarder, mais tu ne l'as pas fait. Ensuite, je t'ai désarmé. Elle dit, tu as toujours eu de la veine. Tu m'as pris le couteau, et puis tu m'as giflé. N'empêche, je regrette de ne pas t'avoir au moins égratigné. Comme ça, tu aurais gardé une marque, je t'aurais laissé un souvenir. Oh, tu m'as marqué, tu sais, dis-je. Et aussitôt, je regrette de l'avoir dit. Elle dit, quelle grandeur d'âme! Mais au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, c'est justement là que le bas me blesse. C'est là que les Athéniens s'atteignent. Parce que comme je te l'ai déjà dit, tu ne te souviens que de ce qui n'allait pas. Tu ne te souviens que des choses viles, honteuses. C'est pour cela que ton intérêt s'est si vite éveillé quand j'ai mentionné le couteau. Elle dit, je serais curieuse de savoir s'il t'arrive d'éprouver du repentir. Oh, je sais bien, le repentir, ce n'est pas un thème très porteur. Mais toi, tu aurais pu t'en faire une spécialité. Du repentir, dis-je? Oh, moi, tu sais, ça ne m'intéresse pas. C'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et au fond, je ne dois pas en avoir. J'ai tendance à me complaire dans la noirceur, c'est vrai. Enfin, parfois. Mais du repentir? Non, je crois pas. Elle dit, tu sais que tu es une ordure? Un salaud sans âme et sans cœur? Personne ne t'a jamais dit ça? Si. Toi, lui dis-je. Tu me l'as 1000 fois répété. Elle dit, moi, je dis toujours la vérité, même quand elle fait mal. Jamais tu ne me prendras en flagrant délit de mensonge. Elle dit, les écailles m'étaient tombées des yeux depuis longtemps, mais il était déjà trop tard. J'ai eu ma chance, mais je l'ai laissé échapper. À un moment, j'ai même cru que tu allais revenir. Mais comment est-ce que j'ai pu m'imaginer une chose pareille? Je devais avoir perdu la tête. Je pourrais en pleurer des fontaines, mais je ne te ferai pas ce plaisir. Elle dit, tu veux que je te dise? Si tu prenais feu, si tout à coup tu t'embrasais, là, sous mes yeux, je crois que je ne me donnerais même pas la peine d'aller chercher un seau d'eau. Ça la fait rire, puis son visage se ferme à nouveau. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fous, là, bon Dieu? T'en veux encore? Je pourrais continuer comme ça pendant des jours. Je crois savoir ce qui t'a incité à venir me voir, mais je veux que tu me le dises toi-même. Comme je ne fais pas mine de répondre, elle enchaîne. Elle dit, quand tu m'as quitté, j'ai perdu le goût de vivre. Plus rien ne m'importait, ni les enfants, ni Dieu, ni rien. On aurait dit que le ciel m'était tombé sur la tête. Ma vie était comme en suspens. Avant, elle suivait son petit bonhomme de chemin, et là, elle a stoppé, brutalement, dans un terrible grincement de frein. Je me disais, si j'ai si peu d'importance pour lui, comment pourrais-je en avoir à mes propres yeux, et aux yeux du reste du monde? Jamais je n'avais éprouvé un sentiment aussi affreux, ça a bien failli me briser le cœur. Mais qu'est-ce que je dis? Il s'est brisé, bien sûr qu'il s'est brisé, il s'est brisé, crac, comme une noix. Il ne s'est pas recollé, figure-toi. Voilà, ça tient en peu de mots, tu vois. « J'avais mis tous mes œufs dans le même panier, dit-elle, et c'était un panier pourri. » Elle dit, « Tu t'es trouvé quelqu'un d'autre ? Il paraît, ça n'a pas traîné, hein ? Et tu es heureux maintenant, du moins c'est ce qu'ils écrivent à ton sujet. Aujourd'hui, il est heureux. Tu sais, je lis tout ce que tu m'envoies. Ça t'étonne peut-être ? Moi je sais ce qu'il y a au fond de ton cœur. Je le savais autrefois, je le sais encore aujourd'hui. » Ton cœur, je le connais comme ma poche, ne l'oublie pas. C'est une jungle, une forêt noire, une vraie poubelle en un mot. Qu'ils viennent me voir s'ils ont des questions à poser. Moi, je sais comment tu fonctionnes. Qu'ils viennent me voir, ils en auront pour leur argent. J'étais là, moi, en première ligne. Et après ça, tu m'as exhibé, tourné en ridicule dans ta pseudo-littérature, livré à la pitié ou à l'opprobre de Monsieur Tout-le-Monde. Tu me demandes pas si j'ai souffert? Tu me demandes pas si j'ai eu honte? Eh bien, vas-y, mais qu'est-ce que t'attends? Demande-le-moi. Non, dis-je. Je ne te le demanderai pas. Je ne veux pas me laisser entraîner sur ce terrain-là, dis-je. Naturellement que tu veux pas, s'écrie-t-elle. Et tu sais très bien pourquoi en plus. Elle dit, sans vouloir t'offenser, chérie, je me dis parfois que j'aimerais te coller une balle dans la peau et te regarder crever. Elle dit, t'oses pas me regarder dans les yeux, hein? Elle dit, et là je le rapporte exactement. Tu n'es même pas capable de me regarder dans les yeux quand je te parle. Alors moi, du coup, forcément, je la regarde dans les yeux. Elle dit, « Ah, bon, très bien. Maintenant, on a peut-être une chance d'arriver quelque part. C'est mieux ainsi. Quand on parle avec quelqu'un, on peut saisir plein de choses. Rien qu'en le regardant dans les yeux, c'est connu. Laisse-moi te dire encore une chose, tiens. Personne d'autre au monde n'oserait te le dire, mais moi je peux, j'en ai le droit. Et ce droit, je l'ai payé très cher, mon petit vieux. Tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas. C'est la pure vérité. Comment je le sais? Dans un siècle, c'est ce qu'ils diront. Ils diront, c'était qui, celle-là, d'abord? Elle dit, en tout cas, moi, tu me prends pour une autre. Ça, pas de doute. Enfin quoi, j'ai même perdu mon nom. Ce nom n'est pas celui avec lequel je suis né, ni celui que je portais au temps où nous vivions ensemble, ni celui que je porte depuis 2 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Je t'en prie, laisse-moi en paix, dorénavant. Ce n'est pas un crime, quand même, de vouloir être tranquille. Elle dit, on ne t'attend pas ailleurs des fois? Tu n'as pas un avion à prendre? Est-ce qu'en ce moment même, tu ne devrais pas être à l'autre bout du pays? Non, dis-je. Je le répète une seconde fois. Non. Non, dis-je, personne ne m'attend nulle part. Et ensuite, je fais un geste, je tends le bras, et je prends la manche de son chemisier entre le pouce et l'index. C'est tout. Je l'effleure à peine, et je retire ma main aussitôt. Elle ne se rétracte pas, elle n'a aucune réaction. Alors je fais autre chose. Je me laisse tomber à genoux, un grand gaillard comme moi, et je prends le bas de sa jupe entre mes mains. Qu'est-ce que je fais là, à genoux sur le plancher? Ça je ne saurais pas le dire. Mais je sais que c'est là qu'il faut que je sois, à genoux, cramponné au bas de sa jupe. D'abord elle reste muette, mais au bout d'un moment elle dit, « Allez, ce n'est pas grave, idiot. Est-ce que tu peux être bête des fois? Relève-toi, va. Je te dis de te lever, ça ne fait rien, tu entends? C'est du passé, tout ça. Oh, bien sûr, j'ai mis longtemps à m'en remettre. Qu'est-ce que tu crois? Tu te figurais peut-être que je m'y ferais facilement? Puis quand je t'ai vu, toutes mes vieilles rancœurs sont remontées d'un coup. J'avais besoin de vider mon sac, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne, tu le sais aussi bien que moi. » Elle dit, « Ah, chérie, je suis restée inconsolable si longtemps. » « Inconsolable, répète-t-elle. Inscris ce mot dans ton petit carnet. C'est le mot le plus triste du monde, j'en parle d'expérience. Mais finalement, je m'en suis remise. Le temps est galant homme. C'est un sage qui a dit ça. Ou bien peut-être une vieille femme exténuée. Je ne sais plus. » Elle dit, « J'ai une vie à présent. Une vie bien différente de la tienne, mais à quoi bon comparer? C'est ma vie en tout cas. » Et au fur et à mesure que je vieillis, il va falloir que je me persuade que c'est cela l'important. Mais il ne faut pas que tu te sentes trop mal. Tu peux te sentir un peu mal, d'accord? Tu n'en mourras pas, et c'est bien le moins tout de même. À défaut de repentir, tu peux bien éprouver quelques regrets. Elle dit, « Maintenant, il faut que tu te lèves et que tu te sauves. Mon mari ne va pas tarder à rentrer pour déjeuner. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire s'il nous trouvait dans cette posture ?»« C'est ridicule, je sais bien, mais je suis toujours à genoux et je m'agrippe au bas de sa jupe avec une ténacité de fox terrier. On dirait que mes genoux sont collés au plancher. Je suis comme paralysé. » Elle dit, « Lève-toi, voyons. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux autre chose, c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je te pardonne ? C'est pour ça que tu me fais ce cirque ? C'est ça, hein ? C'est pour ça que tu as fait tout ce chemin ? Et l'histoire du couteau t'a fait l'effet d'un coup d'aiguillon ? Moi qui croyais que tu l'avais oublié. Tu avais juste besoin que je te la rappelle. Bon, lâche-moi et je te dirai quelque chose. » Elle dit, « Je te pardonne. » Elle dit, « Tu es satisfait à présent ? Tu te sens mieux ? Tu es heureux ? Aujourd'hui, il est heureux, dit-elle. Mais moi, je suis toujours à genoux sur le plancher. » Elle dit, « Hé, tu m'as entendu ? Il faut que tu t'en ailles maintenant. Allez, ne fais pas l'idiot. Je t'ai dit que je te pardonnais, chérie. Et j'ai même été jusqu'à te rappeler cette histoire de couteau. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Tu as gagné sur toute la ligne, mon grand. Allez quoi, bon sang ? Il faut que tu te sauves à présent. Debout ! Voilà, c'est ça. Tu es toujours aussi grand, dis donc. Tiens, ton chapeau. N'oublie pas ton chapeau. Dans le temps, tu n'en portais pas. C'est bien la première fois que je te vois avec un chapeau. » Elle dit, « Maintenant, écoute. Regarde-moi. Et fais bien attention à ce que je vais dire. » Elle s'approche de moi. Son visage est à 5 centimètres du mien. Il y a bien longtemps que nous n'avions pas été aussi près l'un de l'autre. Je respire à tout petit coup pour qu'elle ne perçoive pas mon souffle, et j'attends. Il me semble que les battements de mon cœur se sont ralentis considérablement. Elle dit, « Tu n'as qu'à raconter les choses à ta manière, sans te soucier du reste, comme d'habitude. Depuis le temps que tu le fais, ça ne devrait pas être trop difficile. » Elle dit, « Voilà, c'est fait. Tu es libre à présent, pas vrai ? Enfin, c'est ce que tu crois. Tu n'as plus de fil à la patte. Je plaisante, mais ne ris pas. En tout cas, tu te sens mieux, hein ?» Elle dit, « Si jamais mon mari arrivait maintenant, je me demande ce que je pourrais bien inventer. Moi, au fond, qui s'en soucie ? En fin de compte, ça n'a pas d'importance. De toute façon, sur ce plan-là, tout était déjà consommé entre nous. À propos, mon mari s'appelle Fred. C'est un brave garçon. Il gagne sa vie à la sueur de son front. Et il m'aime. » Elle me reconduit à la porte de devant, qui tout ce temps-là était restée ouverte. Cette porte ouverte laissait pénétrer la lumière, l'air frais du matin et les bruits de la rue, mais nous n'y avons pas pris garde. Je regarde dehors et j'aperçois une lune ronde et blanche suspendue dans le ciel matinal. Mon Dieu, c'est la vision la plus extraordinaire que j'ai jamais eue. Mais je n'ose pas faire la moindre remarque dessus. J'ai bien trop peur, oui, j'ai peur. Qui sait ce qui se passerait ? Je pourrais fondre en larmes ou prononcer des paroles qui, même pour moi, seraient inintelligibles. Elle dit, « Un de ces jours, tu reviendras peut-être me voir. Ça ne durera pas, tu sais. Sous peu, tu vas de nouveau te sentir mal. Peut-être que tu en tireras une bonne histoire, dit-elle. Si c'est le cas, je ne veux pas le savoir. » Je lui dis au revoir, mais elle ne prononce pas un mot de plus. Elle regarde ses mains et elle les fourre dans les poches de sa jupe. Elle secoue la tête, elle rentre dans la maison et cette fois elle ferme la porte. Je m'éloigne le long du trottoir. À l'autre bout de la rue, des enfants se font des passes avec un ballon ovale. Mais ces enfants ne sont pas à moi et ils ne sont pas à elles non plus. La rue est jonchée de feuilles mortes, même les caniveaux en sont pleins. Partout où se posent mes yeux, il y a des tas de feuilles mortes, et il en choit d'autres sur mon passage. À chaque pas, j'en écrase sous mes semelles. Il faudrait que quelqu'un fasse un effort. Il faudrait que quelqu'un prenne un râteau et mette un peu d'ordre là-dedans. Poème pour mon anniversaire, le 2 juillet. Poem on my birthday, July 2nd. On a continué, on grimpait, on grimpait. Ton frère avait les migraines à cause de l'altitude. Et on grimpait, on grimpait. Il m'a dit, où est-ce qu'on va, papa? J'ai dit, on va là-haut. Quel bonheur d'être ici là ce matin, un t-shirt propre, à boire du café fraîchement moulu. Faire le bilan? Oui, mais comment? Maman est morte, papa est ataxique. Ataxique? En voilà un mot. Quel jour sera-t-on demain? Mardi? Bon. Ma femme veut me faire un gâteau, tu parles. Jadis, anniversaire ou pas, je devais presque toujours aller bosser. Ça marque. Anniversaire? Ça me rappelle la route de lac de Jameson, un chemin de terre abrupte. Les virages en épingle cheveux. Les conuyers griffant les ailes de le jeep et s'accrochant à la capote en toile. Une fois sorti de chemin forestier, il n'y avait plus que des monts escarpés aux flancs couverts de touffes d'herbes et de fleurs sauvages. Et après avoir passé la crête la plus haute, on arrivait dans la vallée avec son lac encore gelé. Quel pied de casser de glace pour pêcher en plein été. On planait très haut, tout là-haut. Poem on my birthday, July 2nd. And we kept going up and up and up, and your brother had a headache from the altitude, and we kept going up and up, and he said, where are we going, Dad? And I said, up. Just pleasant to sit here this morning drinking fresh coffee, wearing a clean shirt. Taking stock? What does that mean? Mum dead. Dad has sclerosis. Sclerosis. A hell of a word. What is tomorrow, Tuesday? Huh. My wife wants to bake me a cake, she says. Most of my birthdays I've had to work. That means birthdays? I remember the road into Jameson Lake. Hard pan, switchback, dogwood, scraping the fender and trailing along the canvas top of the jeep until past timberline. We left the woods and rode behind, and nothing ahead but steep ridges sided with wildflowers and bunch grass. Then over the highest ridge into Jameson Valley, and the lake still frozen. That was a giggle. Ice fishing in July. High country indeed. Intimité, lu par Quentin Bayot. Poème, lu par Lucie Harrison et Geoffrey Carré. Musique, Luc Arteno. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Laure Young-Lancret, Marie Dupuis, Jean-Mathieu Zande. Intimité, traduit par François Lasquin, édition Payot. Poème, traduit par François Lasquin, édition de l'Olivier.